Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Et Jack, d'un seul coup de hache, abattit le haricot magique. Le géant s'écroula dans le jardin. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Bernard-Pierre Donadieu lit Jack et le haricot magique. Jack n'était encore qu'un tout petit enfant lorsque son père mourut. Il vivait seul avec sa mère dans une pauvre masure entourée d'un minuscule jardinet. La mère de Jack cousait et brodait pour des clientes du voisinage. Jack bêchait le jardin, arrachait les mauvaises herbes, semait des légumes, mais seulement lorsqu'il avait très faim, car il devenait paresseux dès qu'il avait mangé. Pourtant, c'était un bon garçon. Il était solide malgré ses 12 ans et capable de faire les tâches trop dures pour sa maman. C'était lui aussi qui menait paître leur unique trésor, Doucette Blanchelet, une vache brunette et blanchette qui leur donnait beaucoup de lait. Jack était aussi vif à la course et habile à grimper aux arbres. Et heureusement, sinon le haricot magique n'aurait servi à rien. Jack et sa maman étaient pauvres. Mais ils étaient ensemble. Ils n'étaient donc pas malheureux. Mais une année méchante donna un été si sec que tout le potager de Jack en fut brûlé. L'herbe des prairies voisines roussit tant et si bien sous le soleil que Doucette Blanchelet devint maigre et ne donna bientôt plus de lait. Pire encore, l'hiver ne laissa même pas le temps à l'automne de passer. Il arriva tout de suite, plus rude que jamais. Alors le bois vint à manquer et son prix monta. Le boulanger, pour en acheter, dut vendre son pain plus cher. Et ses clients, après avoir payé, n'avaient plus assez d'argent pour commander les travaux de couture ou de broderie à la mère de Jack. « Qu'allons-nous devenir ?» pleurait la veuve. « Nous n'avons plus rien à manger. Nous n'avons plus d'argent. Doucette Blanchelet risque de tomber malade. Il faut nous en séparer avant qu'il ne soit trop tard. Demain, tu iras la vendre à la foire. »« Oh non, maman !» supplia Jack. « Doucette Blanchelet aura trop de chagrin. Et puis elle est bien trop maigre maintenant. Personne ne voudra l'acheter à un bon prix. Je vais partir et chercher du travail quelque part. »« Tu as déjà essayé, » sanglotait la mère, « et tu n'as rien trouvé. » « Ne pleurez pas, » meugla Doucette Blanchelet. « Ne pleurez pas, j'ai une idée, ouvrez-moi. » Jack et sa mère n'en revenaient pas. C'était bien leur pauvre vache qui venait de parler. Ils ouvrirent la porte. « Vous n'avez qu'à me vendre à quelqu'un de riche, » leur dit la vache. « Quelqu'un qui a une belle grange pleine de foin. Avec cet argent, vous pourrez attendre des jours meilleurs et vous me rachèterez dès que vous le pourrez. » Je serai redevenu grasse et je vous redonnerai beaucoup de lait. Le lendemain, Jack passa une longe autour du cou de Doucette Blanchelet et le cœur lourd partit pour la ville voisine. En chemin, il rencontra un curieux bonhomme qui avait de longs cheveux blancs et une barbe qui lui pendait jusqu'à la ceinture. « Bonjour, Jack, » dit-il. « Bonjour, monsieur, » répondit Jack surpris. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je ne vous connais pas. » « Où vas-tu donc ?» questionna le bonhomme. « Vendre ma vache, » renifla Jacques. « C'est la misère. »« Je te l'achète une poignée de haricots si ça peut t'aider, » proposa l'homme. « Regarde comme ils sont beaux. »« Des haricots ?» s'exclama Jacques. « Mais il me faut de l'argent. »« Ce ne sont pas des haricots ordinaires, » dit le bonhomme. « Ah bon ? Et pourquoi ?» demanda Jacques. « Mais tu le sauras si tu les prends. » Oh, ta pauvre vache est maigre. Chez moi, elle mangera autant de foin qu'elle le voudra, je te le promets. Jack vit que l'homme regardait sa vache avec bonté. Et puis Doucette Blanchelet avait l'air d'avoir très envie d'aller chez lui. Alors il tendit la main et le bonhomme lui donna les 6 haricots. Il les regarda et caressa une dernière fois Doucette Blanchelet avant de tendre la longe au petit homme qui s'en alla. Déjà de retour, lui dit sa mère, inquiète de le voir revenir si vite. « Combien rapportes-tu ?» Jack tira les fèves de sa poche et les montra à sa mère. « Des haricots !» s'étouffa-t-elle. Des haricots ? Ils ne sont pas ordinaires, dit Jack. Mais quoi ? Cria la veuve en colère. Tu as donné Doucette Blanchelet contre ses graines ? Tu es stupide ! Va te coucher, bon à rien ! Il n'y a rien à souper ! Et d'un geste brusque, elle fit voler par la fenêtre ouverte les 6 haricots. Jack alla se coucher. Il était si triste qu'il ne sentait plus son ventre creux lui faire mal. Quand Jack se réveilla le lendemain, sa chambre était encore obscure. Une sorte de lumière verte emplissait toute la pièce. Un épais feuillage devant sa fenêtre empêchait la lumière du jour d'entrer. Il se précipita dehors et vit que les haricots avaient germé jusqu'à devenir un arbre géant. Il était si grand qu'il avait la tête dans les nuages. Alors Jack, qui était très curieux de voir ce qu'il y a dans les nuages, s'accrocha aux haricots et commença à grimper. Il grimpa, grimpa longtemps, très longtemps. Il était si haut qu'il vit sa maison toute minuscule. Et c'est très fatigué qu'il arriva juste au-dessous d'un gros nuage. Il hésita un moment car il avait un peu peur. Puis il entra courageusement dans le nuage. Il découvrit alors un étrange pays. Un véritable désert parsemé de rochers. Il n'y avait ni arbres, ni oiseaux, ni herbes. Car la lumière était si chaude et si éblouissante. Mais une ombre tout à coup se posa sur lui, celle du bonhomme qui lui avait donné les graines. « Ah ! » s'exclama Jack. « Comme je me suis fait disputer, maman dit que nous sommes encore plus pauvres, car nous n'avons plus notre vache. Et à propos, comment va-t-elle ? » ?»« Très bien, » répondit le bonhomme. « Mais ne te désole pas, écoute-moi bien. » Tu verras non loin d'ici une maison énorme. Un géant l'habite qui m'a jadis volé 3 trésors. Si tu les lui reprends, je te les donne. Mais pour y parvenir, auras-tu assez de courage et d'adresse ? Ce géant est un ogre redoutable. Tout à coup, la lumière éblouissante aveugla de nouveau Jack. Le bonhomme avait disparu. Un instant, Jack eut peur d'être tout seul et commença à redescendre. Arrivé sous le nuage, il regarda en bas et fut pris d'un vertige. Alors très vite, Jack remonta et chercha la maison du géant. Elle était si énorme qu'il ne mit pas très longtemps pour la voir. Mais elle était si loin qu'il y arriva complètement épuisé. Il frappa à la porte. Le cœur battant. Une femme d'une taille démesurée lui ouvrit. « Ayez pitié de moi, lui dit Jack. J'ai faim, je suis mort de soif. Donnez-moi juste une croûte de pain et de l'eau. »« Hélas, mon pauvre petit, répondit tout bas la dame, pour ne pas effrayer Jack par sa forte voix. Si je te fais entrer, tu ne pourras plus sortir. Mon mari va bientôt revenir. C'est un ogre terrible. Il t'avalera tout rond dès qu'il te verra. »« Mais je n'ai plus de force, supplia Jack. Vous n'avez qu'à me cacher. » La femme se pencha et prit Jack dans sa main. Elle entra dans sa cuisine et l'installa sur un tabouret qui était de la taille d'un lit. Puis elle lui donna un croûton qui avait 3 fois la taille d'un pain. Tout à coup, le plancher se mit à trembler. Bernard-Pierre Donadieu, tu as choisi Jack et le haricot magique. En fait, c'est Jack et le haricot magique. Et quand je t'ai demandé quel était le livre de ton enfance, tu m'as dit « c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un ». C'était une époque, effectivement, où je ne voyais pas mon père, où je ne voyais pas ma mère. Je n'ai pas eu d'enfance de ce côté-là. Il n'y a pas eu de coton autour de moi. Voilà, c'est tout. Et j'ai eu un Noël, effectivement, un pauvre Noël misérable avec mon pauvre père qui n'avait pas d'argent à l'époque puisqu'il voulait être artiste, peintre et sculpteur. Et j'ai passé un Noël avec lui 2 jours. Quoi. Et donc... J'ai eu mon cadeau, ça a été ça, un petit livre, Jacques et les haricots, voilà. Et ça, c'est un souvenir pour moi qui est un peu émouvant, dans le sens où, comme on était quand même très pauvres et émigrés, puisqu'au Canada, on était un peu dans la situation, en fin de compte, d'un immigré en France. Enfin, le français au Canada, à cette époque-là, c'était, devait avoir 4, 5 ans, 6 ans à peu près, donc c'était en 55. C'était l'équivalent de l'Algérien ici, enfin, ou de l'Africain, quoi. Et je repense à mon père, je visionne mon père à un étalage en train de feuilleter ce livre qui parle de pauvres et d'un géant à qui on va voler des sacs d'or, une poule, une harpe, enfin... Ça me fait drôle de penser que mon père a choisi ce livre. Est-ce qu'il l'a choisi ou est-ce qu'il a pris le premier qui lui tombait sous la main? Enfin, je ne sais pas. Mais c'est curieux. Je me demande s'il lui rêvait pas aussi en achetant le livre. Et je me souviens aussi que donc j'ai dormi avec lui la veille. J'étais content parce que j'étais dans un grand lit, dans un univers où il faisait noir. Mais enfin, il y avait la présence de mon père qui était très forte en plus dans ma tête. Et là, c'était un moment, disons, de paisible. Puis il y avait une petite radio et il y avait un fond musical. Enfin, tout ça, ça pour moi, ça c'était presque la richesse, tout ça. Après, bon, j'ai vécu avec mon père à l'âge de 12 ans. Enfin, à l'âge de 11 ans, il avait réussi à reconstituer une cellule familiale. Mais là, les rapports étaient très graves, enfin, je veux dire, hein, parce que j'étais déjà caractériel, moi, j'étais terrible. Et c'est vrai qu'après cette période-là, alors là je lisais beaucoup, et d'ailleurs ça a été, je lisais à peu près 3 ou 4 livres par semaine. Parce que l'univers familial était devenu pour moi un univers carcéral, quoi. Et j'étais souvent enfermé dans ma chambre. Et donc ma seule évasion, c'était le livre. Où est-ce que tu te mettais pour lire? Ben généralement, j'ai un souvenir effectivement des... je pense que tous les enfants ont ce souvenir, c'est-à-dire c'était la période aussi où quand on nous punissait, on nous envoyait dans la chambre, et puis c'était la période aussi où on nous disait de nous coucher sans manger, on éteignait les lumières, et souvent on avait une petite lampe de poche, on avait quelque chose pour essayer de lire en dessous des couvertures, enfin bon, donc j'ai un souvenir de l'avoir fait, et puis moi je me souviens que j'avais une drôle de posture, effectivement, pour lire. Je me mettais sous le lit. Mais je me mettais un peu à l'ombre, et puis surtout, je pense que c'était pour pas... Parce que la notion de lecture, du fait qu'elle était liée à la notion de rêve, pour moi, était liée aussi à la notion d'interdit. C'est-à-dire qu'en fait, si je lisais, je ne travaillais pas. Donc, j'étais punissable. Voilà. Donc, je trouvais toujours un coin... qui me permettait, si tu veux, de changer ou de cacher le livre. Mais mon souvenir, c'est ça, c'est que la lecture, pour moi, elle était délicieuse parce qu'elle était interdite. Hélas, hélas, mon mari revient, dit la femme. Oh, vite, cache-toi dans le four, si tu ne veux pas être mangé. Jack sauta dans sa main. Elle se dépêcha de le cacher dans le four, en prenant soin de ne pas refermer la porte pour qu'il n'étouffe pas. « Tire-les-tu, chapeau pointu !» tonna soudain une voix énorme. « Ça sent la chair fraîche. Et qu'il soit mort ou vivant, je vais me régaler, foi de géant !»« Mais c'est l'odeur du mouton que vous avez tué pour votre souper !» dit la femme d'une voix tremblante. Par la porte entrouverte du four, Jack vit l'ogre. Qu'il était énorme. 3 veaux morts pendaient à sa ceinture. Il les décrocha et les jeta sur la table. « Rôtiment à deux pour le petit déjeuner de demain !» tonitrua l'ogre. Ses narines frémirent tout à coup. « Turlututu, chapeau pointu, je sens le sang d'un jeune enfant, qu'il soit vif ou courbattu. Je ferai farine de ses osselets !»« Mais c'est le fumet du petit garçon que tu as mangé hier soir. Allez, mange maintenant !» Alors l'ogre mangea un veau, 2 moutons, une oie rôtie, ainsi que 5 ou 6 jambons. Puis il grogna qu'on lui apporta ses sacs d'or... Il retira ses bottes. Sa femme sortit 3 sacs bourrés de pièces d'or, d'une malle immense, et les apporta sur la table. Le géant commença à compter. Dans le four, Jack entendait le tintement des pièces qui peu à peu diminua, et cessa. Un bruit énorme tout à coup le fit sursauter. L'ogre s'était mis à ronfler. Aussi doucement qu'il le put, Jack sortit du four, grimpa sur la table et s'approcha du géant. Son ronflement était si fort que Jack croyait entendre le tonnerre. Il trembla tout à coup de voir que le petit doigt de l'ogre était plus gros que lui. Il prit un sac et s'éloigna très vite malgré son poids. il devait refaire le long chemin à l'envers pour retrouver son haricot. Alors il pensa à la joie de sa mère en découvrant toutes ses pièces d'or pour se donner du courage. Il marcha sans s'arrêter malgré sa lourde charge. Parvenu enfin au haricot, il lâcha le sac d'or qui tomba dans son jardin et se laissa glisser jusqu'en bas. « Maman, maman !» cria-t-il aussitôt. « Viens voir !» Sa mère accourut. Oh, elle était inquiète depuis le matin, ne sachant pas où il était. Elle fut toute heureuse de le retrouver. Et quelle ne fut pas sa joie lorsque Jack lui raconta sa journée et lui donna le trésor. « Mon petit Jack, lui dit-elle tout émue, pardonne-moi ma colère d'hier. Grâce à ton courage, nous voici à l'abri du besoin pour longtemps. » Et elle le serrait très fort contre son cœur. En effet, Jack et sa mère vécurent enfin agréablement. Jack partageait volontiers tout ce qu'il avait avec ses voisins plus pauvres. Sa mère, voyant diminuer l'or du sac, s'inquiétait. « Ne t'en fais pas, maman, disait Jack. Je retournerai chez l'ogre et j'y trouverai bien un autre trésor pour nous aider. » Au bout d'une année, le sac fut vide. La veuve n'était pas très rassurée de voir Jack grimper au haricot et disparaître dans les nuages. Arrivé au pays du géant, Jack se déguisa en pauvresse, puis alla frapper à la porte de l'énorme maison. « Ayez pitié de moi, » dit Jack en prenant une voix de petite fille. « J'ai faim, je suis morte de soif. Donnez-moi une croûte de pain et un peu d'eau. »« Hélas, ma pauvre petite, » répondit l'immense femme, « si je te fais entrer, tu ne pourras plus sortir vivante. Mon mari va revenir. C'est un ogre encore plus terrible depuis qu'un petit garçon lui a volé un sac d'or. Il te verra et t'avalera tout rond. » « Je n'ai plus de force pour marcher, » insista Jack d'une voix fluette. « Quand votre mari arrivera, vous n'aurez qu'à me cacher. » La femme, qui n'était pas méchante, prit Jack dans sa main et l'installa sur l'immense tabouret. Elle lui donna une assiette de soupe. Jack venait à peine de commencer à manger que la table se mit à trembler. C'était l'ogre. Vite, la femme le cacha dans un bec à qui servait à saler la viande et posa le couvercle dessus. « Hum !» donna la voix. « Turlututu, chapeau pointu, ça sent la chair fraîche, vois-tu, et cette fois, de ce garnement, je vais me régaler, foi de géant !»« Ce ne sont que les bœufs que vous avez prévus pour votre souper. Asseyez-vous, je vous les apporte, » répondit la femme, morte d'inquiétude. Mais l'ogre se mit à fouiller partout, ouvrant les portes des placards, du garde-manger, du four. Il approchait du baquet quand la femme posa sur la table une marmite énorme où mijotait un bœuf entier. Affamé, le géant dévora deux bœufs, trois moutons et une dinde qu'il engloutit en deux bouchées. Il paraissait toutefois de mauvaise humeur. Lorsqu'il fut repu, il grogna qu'on apportât sa poule afin de se divertir un peu. « Mais, ajouta-t-il menaçant, veille bien à ce que personne n'entre ici ou tu recevras les coups que tu mérites. » Alors il retira ses bottes et la femme lui apporta une jolie poulette blanche. Jack regardait tout par une fente du bois et osait à peine respirer tant il avait peur de se faire entendre. Le géant regarda la poule et tonitrua. « Poule, pond !» La poulette blanche pondit à l'instant même un bel œuf d'or. Chaque fois que le géant l'ordonnait, elle pondait un œuf d'or. Au bout d'un moment, le géant s'endormit d'avoir trop mangé. Lorsqu'il entendit les ronflements, Jack souleva sans bruit le couvercle et sortit du baquet. Il enleva le déguisement qui le gênait et grimpa sur la table. Il prit la poule et sauta par la fenêtre, mais à cet instant, la poule se mit à caqueter. « Oh, secours, maître! On me vole! Au secours !» Le géant s'éveilla. Jack courut de toutes ses forces vers le haricot, sans lâcher la poule. Mais le géant le rattrapa en quelques enjambées. Il allait le saisir quand son pied heurta un rocher. Et il s'étala de tout son long. Jack en profita pour se faufiler dans le feuillage du haricot et se laisser glisser le long du tronc. Sa mère, dont l'inquiétude était grande, fut bien heureuse de le revoir sain et sauf. La poule fut installée dans un joli panier. On lui donna les meilleurs grains qu'on put trouver. Elle prit l'habitude de pondre chaque matin un œuf d'or, ce qui mit définitivement Jack et sa mère à l'abri du besoin. La maison put être consolidée, enjolivée. le toit recouvert de chaume tout neuf, les poutres repeintes et les murs passés à la chaux. Chaque pièce fut gaiement tapissée. Tous ceux qui frappaient à la porte étaient accueillis avec générosité et aucun ne repartait les mains vides. Une année s'écoula dans le bonheur. Et voici qu'un jour, la mère de Jack tomba malade. Malgré tous les soins dont l'entourait son fils, elle dépérissait. Jack décida de retourner chez le géant. Peut-être en rapporterait-il un remède qui rendrait la santé à sa mère. « Va, mon fils, lui dit celle-ci, mais dépêche-toi, je n'ai pas beaucoup de force pour supporter ton absence. »« Mais ne t'inquiète pas, maman, répondit Jack, je reviendrai vite avec ce qu'il faut pour te guérir. » Et il s'élança le long du haricot. Il grimpa, traversa les nuages et arriva au pays du géant. Il y faisait toujours aussi chaud. La lumière était toujours aussi éblouissante. Mais rien n'arrêta Jack. Il se déguisa en mendiant et alla frapper à la porte de l'énorme maison. L'immense femme ouvrit. « Ayez pitié de moi !» lui dit Jack en imitant la voix d'un mendiant. « J'ai faim. Je suis mort de soif. Faites-moi entrer, donnez-moi à boire et à manger. » « Hélas, mon pauvre mendiant, répondit la femme attristée, si je te fais entrer ici, tu n'en sortiras pas vivant. Mon mari va revenir, c'est un ogre terriblement féroce depuis qu'on lui a dérobé un sac d'or et sa poule blanche. S'il te voit, il t'avalera tout rond. » Puis elle se retourna pour refermer la porte. Jack eut juste le temps de se faufiler dans la maison et d'aller se cacher sous la lessiveuse. Immédiatement, le plancher et les murs tremblèrent, et l'énorme voix de l'ogre tonna. Tire-le-titi, chapeau pointu, ça sent la chair fraîche, vois-tu? Et cette fois, de ce garnement, je vais me régaler, foi de géant! Le géant avait l'air de si mauvaise humeur que la malheureuse femme répondit en tremblant qu'elle n'avait vu personne. Vous devriez manger ce sanglier que je vous ai préparé, lui dit-elle en le posant sur la table. Le géant était de si mauvaise humeur qu'il avala le sanglier sans mâcher, dévora 3 bœufs, 2 moutons, 3 agneaux et 12 poulets. « Il y a quelqu'un ici, je le sens, dit l'ogre, en roulant des yeux terribles. Je vais n'en faire qu'une bouchée. » Alors il se leva et commença à fouiller dans tous les coins. Sa femme lui dit, « Mais calmez-vous, il n'y a personne. Voulez-vous que je vous apporte votre harpe ?» L'ogre se rassit, vida un grand pichet de vin et grogna qu'il voulait sa harpe. La femme la lui apporta. C'était une minuscule harpe tout en or. « Harpe, joue !» commanda le géant. Et la harpe se mit à jouer une musique merveilleusement douce et belle, bercée par sa mélodie. Le géant ne tarda pas à s'endormir, et bientôt ses ronflements ébranlèrent toute la maison. Jack sortit doucement de la lessiveuse et grimpa sur la table. Il saisit la harpe et s'apprêtait à sauter par la fenêtre quand soudain... Quand on a cherché Jack et le haricot magique, on s'est aperçu qu'en fait... C'était un conte traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'en existe pas de version de référence, mais différentes versions réécrites à chaque fois par un autre auteur. Oui, oral. Enfin, des soi-disant, effectivement, que c'est un conte qui se transmet oralement. Et ta version, elle a disparu. Oui, sauf que... c'est-à-dire que je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus des détails. Je me souviens effectivement du haricot, quoi. Enfin, et puis du géant. Si, les éléments... Les aliments, enfin, disons, fonctionnels du conte, on les retrouve. Il y a effectivement la mère, Jacques, la vache, je ne me souvenais pas de la vache. Puis ça, le géant, je me souvenais bien, oui, le géant. Enfin, l'ogre, c'était forcément le personnage qui devait me frapper, quoi. Parce que la relation que j'avais à mon père, même quand je n'étais pas avec lui, mais il me mangeait la tête, c'est quand même l'ogre, il me faisait peur. Et alors, quand on a voulu lire Jack et le haricot magique, on a eu ce problème de choix d'une version que tu as résolu en le réécrivant, en fait. C'est-à-dire qu'on a trouvé 3 versions classiques et une petite version un peu plus moderne, apparemment. À partir des 3 classiques, qui étaient un peu courtes, On a pris les éléments des trois et on en a fait une version, quoi. Plus certaines petites fantaisies qu'on s'est permis. Voilà. Comme de faire parler la vache, par exemple. Et puis d'aller la rechercher à la fin. Au secours, maître. On me vole, cria la harpe magique. Jack sauta par la fenêtre et se mit à courir, comme il n'avait jamais couru. Son déguisement de mendiant le gênait. Il courait, courait. Mais le géant était à ses trousses et le rattrapait. Chacun de ses pas valait 10 enjambées de Jack. Et le pauvre Jack courait à perdre haleine, sans se retourner. Il sentait maintenant le souffle rauque et chaud du géant dans ses cheveux. Heureusement, il atteignit le feuillage du haricot et s'y engouffra. Il se laissa dégringoler à toute vitesse le long du tronc. Le géant hésita un moment et entreprit de descendre lui aussi. Il était si grand qu'il s'empêtrait dans les feuilles et que ses vêtements s'accrochaient aux branches. Et de plus, il était si lourd que le haricot commençait à osciller dangereusement. Pendant ce temps, Jack était arrivé en bas. Surprise ! Le bonhomme qui lui avait donné les haricots était là. En silence, il tendit une hache que Jack saisit sans perdre un instant. Le tronc du haricot était si épais qu'il fallut frapper plusieurs coups pour l'ébranler. Heureusement, le poids du géant fit le reste. On entendit soudain un immense craquement et le haricot s'abattit. Il était si grand que son sommet tomba au milieu de l'océan, à plusieurs kilomètres de là. Le géant s'y noya probablement, car l'on n'entendit plus parler de lui. Jack voulut remercier le bonhomme, mais il avait disparu. Alors il courut à la chambre de sa mère. Elle était tellement pâle et fatiguée et respirait si faiblement qu'il la crut morte. Il posa la harpe sur la table de chevet et dit « Harpe, joue !» Et la harpe, désormais délivrée du géant, obéit à son nouveau maître et se mit à jouer. Sa musique était si mélodieuse que sa maman battit des paupières et s'éveilla. Alors elle se mit à sourire. Et des couleurs revinrent sur ses joues. Elle demanda à manger et à boire. Et le bonheur de retrouver son petit Jack acheva de la guérir. Jack et sa maman, dès ce jour, vécurent heureux. Ils ne manquèrent jamais plus de rien. Chaque fois qu'un pauvre frappait à leur porte, ils lui ouvraient, l'installaient confortablement dans un fauteuil et lui servaient un merveilleux repas. Puis, Jack demandait à la harpe de jouer. Peu à peu, sa musique faisait disparaître les malaises, les soucis du pauvre, qui repartait en se sentant fort, plein de confiance en lui et d'espoir. Toutefois, Jack avait des moments de tristesse. Il pensait à Doucette Blanchelet. Il se rappelait sa promesse d'aller la racheter dès qu'il en aurait les moyens. Mais où était-elle? Où trouver le bonhomme? Un jour, il décida d'aller sur le chemin où il l'avait rencontré la première fois et d'attendre. Il se disait que forcément le bonhomme repasserait par là un jour ou l'autre. Il attendit toute une journée. Puis tout à coup, derrière lui, Jack entendit meugler. C'était Doucette Blanchelet qui l'attendait. Elle était bien grasse et bien heureuse. Oh, « Ma Doucette Blanchelet, comme tu es belle !» s'exclama Jack. « Je suis venu te racheter au bonhomme !» À moins que tu ne veuilles pas revenir à la maison. Mais si, j'ai tellement hâte, au contraire, de retrouver le petit jardinet et le pré juste à côté. Partons maintenant. Je suis pressé, dit Doucette Blanchelet. Mais il faut que je te rachète au bonhomme, dit Jack. Mais le bonhomme, c'est toi, Jack, s'esclaffa la vache. Va te mirer dans la mare, tu verras. Et en effet, Jack découvrit qu'il avait grandi. Et qu'à son tour, il était devenu un petit bonhomme. Première lecture. Lecture d'enfance. Jack et le haricot magique par Bernard-Pierre Donadieu. Jean-Pierre Juncker. Bruno Roncière. Sylvie Migaud. Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.